Le Comité africain pour l'amitié et la solidarité avec le peuple coréen a inséré dans le homepage d'Internet le texte intégral du rapport d'activité du Comité central prononcé par le dirigeant suprême Kim Jong-un au 7e congrès du Parti du Travail de Corée.